Barbary, Ribera, Altenheim. Chapitre 1er. Les petites filles jouaient dans le jardin, sous la surveillance de Mademoiselle Charlotte, nouvelle collaboratrice de Geneviève. Madame Ernemont leur fit une distribution de gâteaux, puis rentra dans la pièce qui servait de salon et de parloir, et s'installa devant un bureau dont elle rangea les papiers et les registres. Soudain, elle eut l'impression d'une présence étrangère dans la pièce. Inquiète, elle se retourna. « Toi ? » s'écria-t-elle. « D'où viens-tu ? Par où ?»« Chut !» fit le prince Cernine. « Écoute-moi, et ne perdons pas une minute. Geneviève ? » ?»« En visite, chez Madame Kesselbach. Elle sera ici, pas avant une heure. »« Alors je laisse venir les frères d'Hauteville. J'ai rendez-vous avec eux. Comment va Geneviève ? » ?»« Très bien. » »« Combien de fois a-t-elle revu Pierre-le-Duc depuis mon départ, depuis 10 jours ?»« 3 fois. » Et elle doit le retrouver aujourd'hui chez Madame Kesselbach, à qui elle l'a présenté, selon tes ordres. Seulement, je te dirai que ce Pierre-le-Duc ne me dit pas grand-chose à moi. Geneviève aurait plutôt besoin de trouver quelques bons garçons de sa classe. Tiens, l'instituteur. Tu es folle, Geneviève, épouser un maître d'école. Ah, si tu considérais d'abord le bonheur de Geneviève. Flûte, Victoire, tu m'embêtes avec tous tes papotages. Est-ce que j'ai le temps de faire du sentiment? Je joue une partie d'échecs, et je pousse mes pièces sans me soucier de ce qu'elles pensent. Quand j'aurai gagné la partie, je m'inquiéterai de savoir si le cavalier Pierre-le-Duc et la reine Geneviève ont un cœur. » Elle l'interrompit. « Tu as entendu un coup de sifflet ? Ce sont les deux d'Hauteville. Va les chercher et laisse-nous. » Dès que les deux frères furent entrés, il les interrogea avec sa précision habituelle. Je sais ce que les journaux ont dit sur la disparition de Lenormand et de Gourel. En savez-vous davantage? Non. Le sous-chef M. Weber a pris l'affaire en main. Depuis 8 jours, nous fouillons le jardin de la maison de retraite et l'on n'arrive pas à s'expliquer comment ils ont pu disparaître. Tout le service est en l'air. On n'a jamais vu ça. Un chef de la sûreté qui disparaît et sans laisser de traces. Les deux servantes. Gertrude est partie, on la recherche. Sa sœur Suzanne. M. Weber et M. Formery l'ont questionné. Il n'y a rien contre elle. Voilà tout ce que vous avez à me dire. Oh non, il y a d'autres choses, tout ce que nous n'avons pas dit aux journaux. Ils racontèrent alors les événements qui avaient marqué les 2 derniers jours de M. Lenormand, la visite nocturne des 2 bandits dans la villa de Pierre-le-Duc, puis, le lendemain, la tentative d'enlèvement commise par Ribera et la chasse à travers les bois de 5 Cucufa, puis l'arrivée du vieux Steinweg, son interrogatoire à la sûreté devant Madame Kesselbach, son évasion du palais. Et personne, sauf vous, ne connaît aucun de ces détails. Dieuzy connaît l'incident Steinweg, c'est même lui qui nous l'a raconté. Et l'on a toujours confiance en vous à la préfecture? Tellement confiance qu'on nous emploie ouvertement. Monsieur Weber ne jure que par nous. Allons, dit le prince, tout n'est pas perdu. Si Monsieur Lenormand a commis quelque imprudence qui lui a coûté la vie, comme je le suppose, il avait tout de même fait auparavant de la bonne besogne. Il n'y a qu'à continuer. L'ennemi a de l'avance, mais on le rattrapera. Nous aurons du mal, patron. En quoi ? Il s'agit tout simplement de retrouver le vieux Steinweg, puisque c'est lui qui a le mot de l'énigme. Oui, mais où Ribera l'a-t-il coffré, le vieux Steinweg ? Chez lui, parbleu. Il faudra donc savoir où Ribera demeure. Parbleu ! Les ayant congédiés, il se rendit à la maison de retraite. Des automobiles stationnaient à la porte, et 2 hommes allaient venaient comme s'ils montaient la garde. Dans le jardin, près du pavillon de Madame Kesselbach, il aperçut sur un banc Geneviève, Pierre-le-Duc et un monsieur de taille épaisse qui portait un monocle. Tous 3 causaient, aucun d'eux ne le vit. Mais plusieurs personnes sortirent du pavillon. C'était Monsieur Formery, Monsieur Weber, un greffier et 2 inspecteurs. Geneviève rentra. Le monsieur au monocle adressa la parole au juge et au sous-chef de la sûreté et s'éloigna lentement avec eux. Cernine vint à côté du banc où Pierre-le-Duc était assis et murmura. « Ne bouge pas, Pierre-le-Duc, c'est moi. »« Vous ? Vous ?» C'était la 3e fois que le jeune homme voyait Cernine depuis l'horrible soir de Versailles, et chaque fois cela le bouleversait. « Réponds, qui est l'individu au monocle ? » Pierre-le-Duc balbutiait, tout pâle. Cernine lui pinça le bras. « Réponds, crebleu, qui est-ce ? » « Le baron Altenheim. D'où vient-il ? » « C'était un ami de M. Kesselbach. Il est arrivé d'Autriche il y a 6 jours, et il s'est mis à la disposition de Mme Kesselbach. » Les magistrats cependant étaient sortis du jardin ainsi que le baron Altenheim. Le baron t'a interrogé ? Oui, beaucoup. Mon cas l'intéresse. Il voudrait m'aider à retrouver ma famille. Il fait appel à mes souvenirs d'enfance. Et que dis-tu ? Rien, puisque je ne sais rien. Est-ce que j'ai des souvenirs, moi ? Vous m'avez mis à la place d'un autre. Et je ne sais même pas qui est cet autre. Moi non plus, ricana le prince. Et voilà justement en quoi consiste la bizarrerie de ton cas. Ah, vous riez toujours. Mais moi je commence à en avoir assez. Je suis mêlé à des tas de choses malpropres, sans compter le danger que je cours à jouer un personnage que je ne suis pas. Comment ? Que tu n'es pas ? Tu es duc pour le moins autant que je suis prince. Peut-être davantage même. Et puis si tu ne l'es pas, deviens-le, sapristi. Geneviève ne peut épouser qu'un duc, regarde-la. Geneviève, ne vaut-elle pas que tu vendes ton âme pour ses beaux yeux ? Il ne l'observa même pas, indifférent à ce qu'il pensait. Ils étaient entrés, et au bas des marches, Geneviève apparaissait, gracieuse et souriante. « Vous voilà revenue ? » dit-elle au prince. « Ah, tant mieux, je suis contente. Vous voulez voir Dolorès ?» Après un instant, elle l'introduisit dans la chambre de Madame Kesselbach. Le prince eut un saisissement. Dolorès était plus pâle encore, plus émaciée qu'au dernier jour où il l'avait vue. Couchée sur un divan, enveloppée d'étoffe blanche, elle avait l'air de ces malades qui renoncent à lutter. C'était contre la vie qu'elle ne luttait plus, elle contre le destin qui l'accablait de ses coups. Cernine la regardait avec une pitié profonde et avec une émotion qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Elle le remercia de la sympathie qu'il lui témoignait. Elle parla aussi du baron Altenheim en termes amicaux. « Vous le connaissiez autrefois ? » demanda-t-il. « De nom, oui, et par mon mari avec qui il était fort lié. J'ai rencontré un Altenheim qui demeurait rue Daru. Pensez-vous que ce soit celui-là ? » ?»« Oh non, celui-là demeure... » »« Au fait, je n'en sais trop rien. Il m'a donné son adresse, mais je ne pourrais dire... » Après quelques minutes de conversation, Cernine prit congé. Dans le vestibule, Geneviève l'attendait. « J'ai à vous parler, » dit-elle vivement, « des choses graves. Vous l'avez vu ?»« Qui ?»« Le baron Altenheim. Mais ce n'est pas son nom. Ou du moins, il en a un autre. Je l'ai reconnu. Il ne s'en doute pas. » Elle l'entraînait dehors et elle marchait très agitée. « Du calme, Geneviève. C'est l'homme qui a voulu m'enlever. Sans ce pauvre monsieur Lenormand, j'étais perdu. Voyons, vous devez savoir, vous qui savez tout. » Alors, son vrai nom ? Ribera. Vous êtes sûr ? Il a eu beau changer sa tête, son accent, ses manières, je l'ai deviné tout de suite, à l'horreur qu'il m'inspire. Mais je n'ai rien dit jusqu'à votre retour. Vous n'avez rien dit non plus à Madame Kesselbach ? Rien. Elle paraissait si heureuse de retrouver un ami de son mari. Mais vous lui en parlerez, n'est-ce pas ? Vous la défendrez ? Je ne sais ce qu'il prépare contre elle, contre moi. Maintenant que Monsieur Lenormand n'est plus là, il ne craint plus rien, il agit en maître. Qu'est-ce qui pourrait le démasquer ? Moi. Je réponds de tout, mais pas un mot à personne. Ils étaient arrivés devant la loge des concierges. La porte s'ouvrit, le prince dit encore « Adieu Geneviève, et surtout, soyez tranquille, je suis là. » Il ferma la porte, se retourna, et tout de suite eut un léger mouvement de recul. En face de lui, se tenait la tête haute, les épaules larges, la carrure puissante, l'homme au monocle, le baron Altenheim. Ils se regardèrent deux ou trois secondes, en silence. Le baron souriait. Il dit « Je t'attendais, Lupin. » Si maître de lui qu'il fût, Cernine tressaillit. Il venait pour démasquer son adversaire, et c'était son adversaire qui l'avait démasqué, du premier coup. Et en même temps, cet adversaire s'offrait à la lutte, hardiment, effrontément, comme s'il était sûr de la victoire. Le geste était crâne, éprouvait une rude force. Les deux hommes se mesuraient des yeux, violemment hostiles. « Et après ?» dit Cernine. « Après ? Ne penses-tu pas que nous ayons besoin de nous voir ? Pourquoi ? J'ai à te parler. Quel jour veux-tu ? Demain. Nous déjeunerons ensemble au restaurant. Pourquoi pas chez toi ? Tu ne connais pas mon adresse. Si. » Le prince saisit rapidement un journal qui dépassait de la poche d'Altenheim, un journal qui avait encore sa bande d'envoi, et il dit « 29, Villa Dupont. »« Bien joué, » fit l'autre. « Donc, à demain, chez moi. »« À demain, chez toi. Ton heure ?»« Une heure. »« j'y serai, mes hommages. » Ils allaient se séparer. Altenheim s'arrêta. « Ah, un mot encore, prince. Emporte tes armes. Pourquoi ? J'ai 4 domestiques, et tu seras seul. J'ai mes points, dit Cernine. La partie sera égale. » Il lui tourna le dos, puis le rappelant. « Ah, un mot encore, baron. Engage 4 autres domestiques. Pourquoi ? J'ai réfléchi. Je viendrai avec ma cravache.